son habit vint un jour trouver pour se renseigner. Afin de se construire son petit coin de paradis, un ami de ses amis, enfin non un banquier. Le grand professionnel avec son œil habitué eut au fait de comprendre avec qui il traitait. La veille demoiselle se vit donc expliquer qu'il ferait mieux de se pendre que de faire charité. Que devant l'argent, c'est pas grand chose. Avec des petits principes à l'eau de rose, l'affaire est close. Tu perds ton temps. Allez, va-t'en. Plus tard, le financier trouva dans son divan sa diva dévêtue, faisant investissement de toute sa vertu au profit des passants et de César cocu comme les amants. Tenu devant le juge en deux temps trois placements, l'homme de monnaie s'est vite expliqué par un professionnel avec un œil brillant que la remise de peine fallait pas y compter. Que devant la loi, c'est pas grand chose. Avec des petits billets en cellulose, l'affaire est close. Tu perds mon temps. Allez, suivant. Moi je suis là devant ta porte. J'ai pas un rond, je me sens coupable, mais je veux que tu sors. Allons-nous-en sentir le vent et prendre une pause tant qu'il est encore le moment. La guerre fut déclarée parce qu'il était grand temps. Si belle et si parfaite qu'on y mit tout le monde dedans. Notre Salomon, un moment hésitant, finit par s'enrôler pour une mi-temps dans chaque temps. Et toujours placé dans la mire d'un obusier, il en conclut que les règles n'étaient pas respectées. Un général eut vite fait de lui rappeler clair de la retraite ne lui serait pas joué. Que devant l'ennemi, c'est pas grand chose. Avec des lignes écrites dans ton dallos, l'affaire est close. Tu perds ton temps. Allez, je me rends. Et moi, je suis là devant ta porte. J'ai pas un rond, je me sens coupable. Sentir le vent et prendre une pause, voir les choses tant qu'il est encore temps. L'officier en expert du métier chargea devant ses troupes et celle de l'autre côté. Glorieusement titré le plus cinglé des armées, la balle qui l'attendait lui accorde enfin la paix. On alla vite guérir pour le consacrer, l'odeur de sainteté qui vivait au plus près. Et une bonne sœur de campagne voyant ce poitrail perforé lui dit qu'il était temps de penser à ses péchés. Que devant le bon Dieu, c'est plus grand chose. Avec des charmes et des l'affaire est close. Il n'est plus temps. Ainsi soit-il. Et moi je suis là devant ta porte. J'ai pas un rond, je me sens coupable, mais je voudrais que tu sortes. Allons-nous-en sentir le vent et prendre une pause, voir les choses tant qu'il est temps. Devant ta porte.